qui fait que l'hiérarchie cosmique. Mais là, pour ceux qui vont acheter la cassette, ils vont penser qu'il en manque un bout. Alors donc, je recommence au début. Je poursuis donc. L'être humain qui a vécu son effusion traverse donc des mécaniques, c'est-à-dire qu'il va laisser en arrière de lui des anti-retours, des valves, qui s'appellent des hiérarchies cosmiques. Les hiérarchies cosmiques font partie des mécaniques géoviques, yaviques, lucifériennes. Les hiérarchies cosmiques font partie des mécaniques qui vont se relier avec un plaisir inouï avec ce que lui-même a appelé les grands maîtres du monde. C'est pourquoi que, mais ce que tu dis puis ce que tu aimerais que je dise, je ne le dis pas pour te faire plaisir, parce que quand on va chercher l'information, on en arrive quelque part. Bien, effectivement, les grands maîtres du monde, c'est des putains, identiques aux hiérarchies cosmiques. Et d'ailleurs, tout ce qui va tendre, lorsqu'un prêtre vient s'implanter dans n'importe quelle structure théologique sur le plan planétaire, le prêtre qui vient exiger des gens une servitude est un prêtre relié aux hiérarchies cosmiques. Et même si un roi, une royauté, un gouvernement, n'importe qui vient s'implanter en contexte planétaire pour imposer son joug à l'homme, est une mécanique reliée, consciemment ou inconsciemment, aux hiérarchies cosmiques qui, elles, ont comme première forme d'expression contrôler à tout prix ce qui, pour eux autres, est inférieur, en l'occurrence l'homme. Les hiérarchies cosmiques, bon, si on lit, par exemple, les livres d'Alice Bailey, elle parle des hiérarchies cosmiques et elle en parle en bien. Si on lit les livres d'Annie Besant, de Madame de Blavatsky, parle des hiérarchies cosmiques en bien. Si on lit des livres écrits par le mouvement, disons, relié avec encore ou ces choses-là, on aussi parle des grands maîtres, hein, des hiérarchies cosmiques, des grands maîtres. Bon. C'est tout. C'est quelqu'un qui déteste l'astral pourrait se permettre de détester un peu plus les hiérarchies cosmiques. Parce que même l'astral est assujetti aux hiérarchies cosmiques. Alors, quand tu disais tout à l'heure, il y a quelque part, on parle d'arnaqueur, c'en est. Quand on parle d'intelligence qui se sert de l'astral pour manipuler l'humain, les hiérarchies cosmiques ont un plaisir fou à faire ça. Ce ne serait pas plutôt, Daniel, qu'on se sert de l'astral. Ce n'est pas l'astral qui va chercher l'intelligence. Non, l'intelligence se sert de l'astral pour taper dans l'humain. Et là, évidemment, ça crée des problématiques parce que si tu fais une colère astrale ou une colère mentale dans l'astral, tu vas faire fort, tu vas placer les mécaniques. Mais le responsable premier est pas... Serait-il juste de dire que, dans les parce que tu viens de donner ces exemples-là, de tous ceux qui ont écrit des choses positives sur les hiérarchies cosmiques, puis qu'il y a aussi des choses négatives, serait-il pas juste de dire que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas au penthouse en haut, il y a la dualité? Mais la dualité, elle existe parce que l'être humain est... Parce que l'être humain est relié à l'effusion et à la fusion. La dualité existe. Tant que l'être humain a une conscience qui est divisée, qui est scindée par son taux vibratoire, tant que l'être humain a une conscience qui est reliée à son passé et qui est reliée à son avenir, il y aura une dualité. Parce que le mal et ces choses-là, c'est toujours ce qui t'empêche d'avancer. Mais ce qui t'empêche d'avancer, c'est donc ce qui te garde ou veut te maintenir à travers des trames du passé. La dualité fait partie de la vibration de l'humain branché sur la fusion et branché sur la fusion. Alors, la dualité, elle va demeurer chez l'homme tant que l'être humain va être un être avec de la conscience dans un véhicule qui ne peut pas exprimer de la conscience. Alors, quand je reviens encore avec la dissonance cognitive qui va faire en sorte, par exemple, que tu vas quelque part où c'est bien, et je vais t'offrir un verre d'eau, tu vas boire l'eau, l'eau n'est pas bonne. Et je te demande, est-ce que ça va aller à ton goût? Ça me répond, oui, c'est bien. Bon, tu vas aimer ça. Il y a énormément de gens qui, tout le monde va passer sa vie, par exemple, une grande partie de sa vie, à dire ce qu'il ne vit pas, ce qu'il ne pense pas, ce qu'il ne vibre pas. C'est partie des dissonances cognitives. L'humain est duel en ce sens-là que, pour pouvoir agrémenter la vie de l'homme. Et c'est ça qui est le problème. Ça, je vais revenir dans une conférence régulière. Je vais passer là-dessus un peu. Okay. Mais la dualité, elle existe uniquement parce que l'être humain essaie de rationaliser la merde qu'on lui donne. Okay. Mais lorsque j'ai posé ma question, je ne la posais pas au niveau de l'homme. Je la posais au niveau des hiérarchies cosmiques. Parce que tantôt, c'est d'eux que tu parlais. Maintenant, ayant un taux vibratoire très supérieur au nôtre, n'y a-t-il pas quelque chose qui pourra faire justement pour aller diriger l'homme vers une dualité moins prononcée? C'est-à-dire que les hiérarchies cosmiques ont comme fonction de conserver l'humain assujetti. Ils ne tiennent pas à amener l'homme. Ça dépend à quel niveau qu'on le regarde. Ouais. OK. Ils peuvent te faire croire, tu sais, ils peuvent. Ils ont fait des choses. Oui. Prenons juste l'exemple des grands maîtres. Pas qu'à s'écœurer. Prenons juste l'exemple des grands maîtres. Des gens qui ont évolué, qui sont conscientisés, qui sont montés à certaines places, puis c'est merveilleux, puis c'est parfait, des maîtres. Et puis, 14 000 ans, dans le fond du sous-sol de la Terre, à attendre, on ne sait plus trop quoi. C'est pas mal bon, des hiérarchies cosmiques. Les maîtres sont fait avoir à l'os. Évidemment, à un moment donné, ça fait de la politique, on leur donne des pots de vin, puis là, les maîtres, ils boivent, ils deviennent un peu chaud énergétiquement, puis là, ils veulent aider les hiérarchies, parce qu'ils veulent aider l'humain. La spiritualité, la spiritualité, c'est probablement l'expression la plus vache des hiérarchies cosmiques. Parce que la spiritualité, elle engendre la foi, elle engendre la croyance, mais elle engendre aussi l'espoir. Même si on dit, oui, mais l'espoir, l'humain en a besoin. Maudite nuance entre espoirisé puis utopisé. Et ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que la spiritualité, c'est elle qui va faire même dire à, en tout cas aux Nazaréens ou à ceux qui l'ont copié, que quand on te donne crache en plein visage, bien écoute, demande-en encore. C'est la spiritualité tout craché. Si tout ça avait été transmuté et amené au niveau de compréhension de l'homme des temps, à travers les temps, il n'y aurait pas eu de problème. Non. Maintenant, veux-tu savoir pourquoi le Nazaréen n'a pas écrit le livre? Je sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit le livre. Ouais, moi aussi. Je sais une partie de pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit le livre, mais je veux t'entendre le dire. Dis-moi la partie. Voir. Parce qu'on lui a défendu d'écrire un livre. Bon, c'est vrai maintenant, et c'est faux, dépendamment de ce que tu entends par défendu. Il était impossible qu'il écrive un livre, c'était hors contexte totalement. Mais est-ce qu'on lui a défendu ou si on l'a empêché? On lui a indiqué pourquoi est-ce qu'il n'avait pas à écrire de livre. C'est parce qu'il fallait que ses dires, qui étaient réels, soient transformés au fur et à mesure que les années passeraient pour que l'homme capte, selon son pouvoir, son réceptacle des temps, ça changera au fur et à mesure, et qui capte qu'est-ce que c'est qui en était. Mais moi, c'est là-dessus que je suis contre. Parce que si la réalité était sortie, Daniel, et que c'est correct, on peut dire que le 500 ans, le 1000 ans, le 2000 ans, le monde n'aurait pas compris. J'accède pas à ça. L'ignorance, là, je comprends, je peux comprendre, mais je ne l'accepte plus. C'est pareil comme dire, tu sais, à l'école, tu prends un enfant, tu lui montres du par cœur. C'est pas bon, le par cœur. Aujourd'hui, ils ont fait autre chose, et puis il n'y a plus de par cœur, mais ils sortent de l'école à 16-17 ans, et puis ils ont fait un test dernièrement, ils montraient ça à la télévision. Un petit gars de 17 ans, il vient de sortir de l'école, il était à Toronto, dans un magasin, Eaton ou Simpson, je ne sais pas trop lequel, là, et puis il a donné 80$ pour acheter quelque chose de 47$. Quand ils ont dit 47$, il a donné 4,20$. Il savait que c'était. Il ne savait pas combien de changes qui y revenaient. Okay? Quand on parle d'apprendre du par cœur, on dit que ça ne donne rien, mais ça forme quelque chose. Puis lorsque le taux vibratoire est suffisamment haut, puis tu sais comment est-ce que ça fonctionne, bien au moins, sacrifice, tu peux comprendre. Du moins, je m'objecte à ça, oui, énormément, présentement. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des animaux humains. Des humains, hein? Ça fait plaisir aux animaux humains. Il y a des humains qui ne sont pas, qui n'ont pas la structure génétique pour pouvoir comprendre. Ils n'ont pas la structure vibratoire pour pouvoir comprendre. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, parce que ce qui est intéressant avec toi, depuis 2 mois, c'est que tu pars de mécaniques qui sont totalement réelles. C'est vrai que l'humain n'a pas la capacité de savoir. Et tu veux m'amener là où on veut aller, évidemment. Tu veux m'amener dans l'opposé de la réalité, c'est-à-dire dans la réalité. Alors, on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, comme dans le passé, Tu ne peux pas rendre un être humain intelligent par la force. On est d'accord avec ça. C'est beau boucher dessus, ils sont pas plus intelligents. Maintenant, si on dit, oui, mais il y a des êtres humains ou des humains, des animaux humains qui ne sont pas prêts. C'est probablement vrai aussi. Si le cerveau est congestionné, s'il n'y a pas de structure, bon. La question fondamentale, est-ce que des hiérarchies cosmiques ou est-ce que des arnaqueurs ou est-ce qu'une intentionnalité, disons, en guillemets, quelconque à travers le système cosmique ne s'arrange pas volontairement, elle, pour obliger les corps physiques qui viennent au monde à s'altérer au fur et à mesure pour devenir des corps qui ne seront pas prêts. Bon. Autrement dit, on peut poser la question, si à l'époque du Nazaréen, les gens ne sont pas prêts. Bon. C'est peut-être vrai. Et peut-être aussi qu'on a tout fait pour les structurer, pour que de toute façon, ils ne soient pas prêts. Donc, ce qu'il faut comprendre, puis c'est vrai dans les deux cas, c'est que spirituellement, c'est un fait, effectivement, que tu ne pourras pas accéder à quelque chose tant que tu ne seras pas prêt. Moi, j'ai déjà expliqué en conférence qu'à l'époque de la transition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle, c'est sûr que tant que ce n'est pas le temps, tu ne peux pas le faire. Mais quand tu commences à être suffisamment transitif vers l'homme nouveau, bien, ça va être le temps quand tu vas le faire. Là, si tu dis encore, oui, mais là, c'est pas le temps, quand ça va être le temps, on va le faire. Ça fait partie des visions spirituelles, donc on parle encore d'une façon dualitaire. Mais à un moment donné, si tu attends après le temps, tu attends tout le temps. Parce que là, maintenant, c'est quand tu vas le faire que ça va être le temps. Mais si tu es transitif, tu es assujetti au fait que ça ne marchera pas parce que c'est pas le temps. Puis en même temps, ça ne marchera jamais tant que tu ne commenceras pas. Là, les arnaqueurs, puis les hiérarchies cosmiques, ils peuvent jouer d'une façon absolument extraordinaire. Surtout dans la conscience des êtres transitifs les plus intelligents. Parce que là, on va te dire carrément, on va te faire vibrer la corde qu'il faut te faire vibrer. Si on veut te faire vibrer la corde que c'est le temps, à la condition que tu bouges, bien, tu vas commencer à bouger. Là, tu te dis, là, je bouge, je fais un test supramental, je fais un test expérientiel, je vais bouger uniquement si j'ai tel résultat. Ben, ils vont te donner le résultat, fais-en pas. Là, t'as ça, pouf, c'est dans la rue, tu casses la gueule, t'es fini. Au nom de... voilà. C'est très important de comprendre que parce que... En tout cas, il faut falloir, évidemment, qu'on en parle un peu plus. Mais présentement, l'être humain... Le Nazaréen n'a pas écrit de livre, un, parce que l'humain n'était pas prêt, mais parce qu'aussi on prépare l'humain à ne pas être prêt. Et ça, on fait ça surtout à travers l'adolescence de l'humain. Quand l'enfant devient adolescent, c'est là qu'on le ramasse. On le ramasse, on le détruit complètement, totalement, on le défait, on le disloque au complet. Il était jeune, il était brillant, il était vif, il y avait de quoi à l'intérieur, c'était bien. Mais à un moment donné, pif, paf, paf, paf, il reste des résidus, il reste absolument plus rien. Ceux qui ne font pas de crise d'adolescence, donc qui ne vivent pas d'adolescence psychologique ou mentale, physiquement on s'en balance, mais qui n'en vivent pas, eux ne sont pas touchés par les arnaqueurs. Mais tous les autres individus se font agresser là. Et puis, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Nazaréen n'a pas écrit parce que c'était pas le temps. OK. Le Nazaréen n'a pas écrit non plus. Pourquoi? Parce qu'il était un être qui fuyait déjà des hiérarchies cosmiques et qui est venu se cacher dans le contexte planétaire pour être capable de vivre le règne de l'homme, pour être capable d'être assujetti à des hiérarchies humaines, des hiérarchies cosmiques qui s'adressent à l'homme et qui sont des hiérarchies de beaucoup inférieures à ce que lui fuyait. Et pourquoi le Nazaréen n'a pas écrit? C'était simplement parce qu'il ne devait pas révéler trop de réalité, on va dire de vérité ou d'énergie, pour ne pas se faire repérer par ce qu'il fuyait. Alors, en venant se reposer sur le plan planétaire, grâce à l'énergie humaine, l'énergie spirituelle, l'énergie de prière, etc., il a ramassé un potentiel suffisamment intéressant pour être capable de défoncer, barrière après barrière, toute hiérarchie attribuée à l'homme. Et là, parce que les hiérarchies qu'il fuyait ne l'avaient carrément abandonné parce qu'on ne trouvait plus, en défonçant les hiérarchies cosmiques humaines, il a réussi à aller finir ce qu'il avait à faire. De ce fait, il a laissé des traces mémorielles qui permettent à l'humain de savoir qu'à un moment donné, ils devront péter au ciel, traverser ces hiérarchies-là. Sauf que, pourquoi il n'a pas écrit de livre? Pour la faible raison que, surtout, qu'il ne tenait pas à laisser plus de traces que ce qu'il a laissé, parce qu'il travaillait pour lui. Oui. S'il y avait eu des écrits de la réalité, du mensonge cosmique, ça aurait permis, je pense, aux moines, à ceux qui faisaient un cheminement dans le passé, de 1500 ans, 1800 ans, 1200 ans, ainsi de suite, à étudier, à être sur la bonne voie pour étudier. Oui, mais... Pour comprendre. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils appliquaient ce qu'il fallait faire pour ne pas être dans le mensonge cosmique, mais il ne savait même pas qu'il y avait un mensonge cosmique, exact. Parce qu'il ne l'aurait pas dit, puis lui, il savait. Bon, le gros maudit problème, encore les hiérarchies cosmiques, qui font tout pour que l'être humain déforme et analyse d'une façon théologique toute forme d'information ou d'exformation, donc de la matière qui vient de l'extérieur et non pas de son astralité, ce n'est pas de l'information, de l'exformation. Les hiérarchies font tout pour que l'humain en fasse des religions. Bon, si le Nazaréen n'a pas écrit de livre pour aider, à un moment donné, Thorieux, Bouddha a écrit des choses, puis il en a dit des choses qui auraient pu aider. Mais disons que ça a été spiritualisé. Bon, là-haut-dessus l'a fait avec le non-vide. Mais disons que ça a été spiritualisé. Le zen, c'est très supramental dans un vecteur au niveau de la verticalité, mais encore là, on en fait une religion. Et c'est d'ailleurs le problème présentement. La majorité des intelligences, pas des hiérarchies cosmiques, c'est supramental, c'est aussi à l'intelligence dedans, là. Mais de l'intelligence, on parle avec un grand I, du phénomène qui peut relier l'homme à celle qui est sa vraie source, mais la source peut être piratée par les arnaqueurs. Mais l'intelligence qu'elle fait, elle, c'est que lorsqu'elle descend à travers tout ça au complet, elle va essayer de faire éclater. Comment on peut dire ça pour simplifier? Lorsque l'être humain. Bon, premièrement, il faut absolument que l'être humain finisse par comprendre. Quand on parle de centricité chez soi, ça veut dire, puis quand je parle moi, de devenir son seul maître, c'est extraordinairement important. Parce que l'être humain qui reste assujetti à la théologisation de toutes les informations qu'il va avoir, et c'est toujours ce qui est arrivé, c'est un être humain qui va échapper complètement au contact de sa source. Quand l'intelligence, le grand I, essaie d'entrer en contact avec l'humain, jusqu'à date, depuis que l'humain est sur la planète Terre, l'humain en a toujours fait une religion. L'intelligence ne veut plus qu'on se connecte à l'humain, pas à la masse, pas au collectif, parce que l'humain va encore en faire une religion, c'est à cause des hiérarchies cosmiques qui déforment toute l'information qui rentre. Ils en ont toujours fait une religion, Daniel, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la réalité, ils n'ont pas eu accès au mensonge cosmique. S'ils avaient compris le mensonge cosmique, il aurait été, même si l'énergie ne les aurait pas pénétrés, il aurait su comment est-ce que ça fonctionnait. Oui. Et puis, en passant, le fait que le Nazaréen n'ait pas écrit un livre, j'en veux pas là, pour ça. Là. Je vais te mentionner parce que... Mais, je vais te donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu, un petit exemple, là. Qui s'est produit. Parce que c'est sûr qu'après les faits, on regarde et on analyse... Et j'ai toujours été d'accord, moi, que ça a permis au corps astral, au corps mental de se former, corps astral de se perfectionner, la religion catholique, et ainsi de suite, blablabla. Et puis, absolument. Après les faits, on analyse. L'être nouveau, la personne transitive, ne doit plus jamais rien analyser après les faits. C'est là qu'on se fait carrément fouiller. Après les faits, tu passes. Et si après les faits, on analyse, on va encore trouver des explications, on va encore rationaliser toute la mécanique au complet, puis on va encore se leurrer, s'illusionner, puis on va encore se fourrer soi-même ou se faire carrément fourrer. Mais après les faits, on ne doit plus jamais rien analyser. Il t'arrive quelque chose, là, tu le sais pourquoi, je ne le sais pas. Quand tu es rendu chez toi, oublie ça, puis continue à vivre. Chaque fois qu'on essaie d'expliquer qui vient de nous arriver ou ce qui nous est arrivé, on se fait fourrer. Bon, c'est très simple ce que je dis là, c'est une des clés majeures pour permettre à l'humain de se libérer de toutes les merdes auxquelles tu veux nous amener à travers les conférences. Je suis d'accord avec toi. Genre, je suis convaincu. Seulement que, je répète, après les faits, c'est facile d'analyser. Oui. Je fais référence au Nazaréen qui n'a pas divulgué, il n'a pas dévoilé le mensonge cosmique. Ne l'ayant pas dévoilé, les gens n'ont pas pu lire qu'est-ce que c'est qu'était le mensonge cosmique. On regarde ça après, 1500 ans, 2000 ans après, et on se dit, ça a créé la religion, ça a créé la croyance, ça fait ci, ça fait ça, ainsi de suite. C'est justifiable par rapport à étudier après le fait. Oui, justifiable. Ça ne nulle part. C'est l'exemple que je voulais donner. Je vais t'en donner un autre maintenant, un exemple qui ne vient pas du Nazaréen et qui était aussi très justifiable. J'avais un berger allemand noir, je ne sais pas, là, qu'on avait pris à la SPCA. très belle chienne, elle était bien fun, elle était bien fine, tout ça. Lorsqu'on l'a emmenée chez nous, tout allait bien. 3-4 jours après, elle vomissait toujours, ça semblait avoir des problèmes de foie. Fait qu'on a pris, on était chez le vétérinaire de la SPCA. Et puis, d'examiner, il a regardé tout ça. Ah oui, elle était sa cortisone. Ça fait qu'il a donné de la cortisone. On est revenu à la maison. Le chien était parfait. Elle avait 5 mois. Et puis, on l'a traîné comme ça, correct, pas correct, pendant à peu près 8-9 mois, un an, le temps qu'on l'a eu. Et puis, cette cortisone-là, naturellement, ça l'a affaibli son système nerveux. Et puis, tous les matins, elle vomissait. Puis, on l'aimait, on essayait de le sauver. Et puis, à un moment donné, ce qu'on a fait, quand on a vu qu'elle devenait agressive, elle changeait son jap, surtout vis-à-vis des enfants, mais là, je n'ai pas aimé ça, j'ai pensé que c'était le temps de faire quelque chose. Alors, on a décidé de la porter chez le vétérinaire pour l'endormir. On lui a fait une belle arnaque, ayant un taux vibratoire supérieur à l'animal. On a acheté son mets préféré, là, des petites choses au fromage. Ça ne mange pas. Non, c'était pas de. C'est comme des chips, mais au fromage. C'est pas pour les chiens, c'est pour les humains, mais elle aimait tellement ça. Fait qu'on l'a mis dans le taux, puis moi je conduisais en s'en allant chez le vétérinaire, puis on lui donnait des corn. Des cotins. Corn cheese, quelque chose comme ça. On lui donnait ça. Fait que là, elle était heureuse. On l'a arnaquée. Elle était avec son Dieu, qui était bien heureuse. C'est ça. Puis on l'a emmenée, pensant que c'est ce qu'il fallait faire, puis c'est ce qu'il fallait faire aussi. On l'a emmenée chez le vétérinaire. Et puis, que vous avez fait. Là, ce qui est arrivé, c'est que. Je vais juste le mentionner, même si ça n'a pas à faire avec ça. Lorsqu'il l'a piqué, il l'a manqué. Là, elle servirait de bord, elle va me regarder, puis là, j'ai ressenti, pourquoi tu me fais ça? Elle s'est réveillée, tu sais. Elle a eu le temps de se réveiller avant de mourir. Là, il l'a repiqué, et puis, elle est morte. La semaine d'après, je m'en vais chez un magasin d'aliments pour chiens. Et puis, le type qui m'avait donné un cours de dressage, qui est le propriétaire, me demande comment est-ce qu'était mon chien, fait que je lui dis ça. Il dit, t'es pas sérieux. Prends une canne et dis, regarde, qu'est-ce que j'ai ici. Il dit, avec ça, pas de problème, t'aurais tout réglé. Ça, c'est bien toi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que. Ah, j'ai tout compris. Alors, tu sais, il y a deux côtés. J'accède au fait que le Nazaréen. Il n'a pas écrit son livre, puis il fallait que ça soit comme ça. J'accède aussi au fait que quand j'ai été porté. Chez le vétérinaire, puis qu'on a acheté des corn cheese, puis tout ça, c'était correct. Mais j'accède aussi au fait sacrifice que si on avait attendu une semaine de plus, on avait été informé par manque d'information. Oui, mais par attendre une semaine de plus, le gars, tu n'en aurais pas parlé. Le gars, tu n'en aurais parlé après. Le gars, là, il attendait impatiemment qu'à mort, oui. Pour pouvoir oui. Te dire. Bon, on peut extrapoler, je sais, on peut. Il n'y a pas de limite, Daniel. Mais quand même, le principe que je veux amener, c'est que moi, je pense que l'homme se doit d'avoir les deux chances aujourd'hui. La chance de ne pas lui donner l'information parce qu'il est endormi et qu'il n'est pas prêt à apprendre encore, puis la chance d'y donner la réalité. C'est ce qu'il faut. Alors, c'est pour ça que... Autrement dit, toi, ce que tu suggères, c'est que s'ils n'ont pas d'information, il y en a qui meurent, ils se cassent la gueule. Oui. Mais ce serait bon de donner l'information, puis là, ils vont se casser la gueule et mourir, mais informés. Ça, c'est ce qu'ils te font dire présentement. Mais non. C'est ce qu'ils te font dire présentement. Non, parce que je l'ai dit de façon à ce que toi et plusieurs comprennent exactement ce que tu dis là, c'est ce qu'ils me font dire, mais c'est pas ce que je dis. C'est ce que normalement, il serait dit. D'accord. Et c'est pourquoi, puis ce qui est dit là est vrai, et aussi vrai que c'est faux. Ça revient encore au phénomène de l'actualité. Et c'est pourquoi je reviens encore là-dessus. Si, tant qu'on va analyser après l'acte, on va toujours donner raison au Dieu, à la nature, à l'intelligence, aux événements. On va toujours donner raison. Tant qu'on analyse après l'événement, on va toujours donner raison à une quelconque rationalisation. Elle peut être émotive, spirituelle, ésotérique, occulte, scientifique, etc. Et c'est pourquoi je reviens sur là-dessus. On ne doit plus expliquer pas après. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à la portée de tous les humains, ce que je veux dire là, je le dis quand même. Et on ne doit pas, parce que ce qu'il faut, tant que l'être humain est assujetti aux hiérarchies cosmiques, et les gens ici le sont tous, bon, tant que l'être humain est assujetti aux hiérarchies cosmiques, c'est évident qu'il y a de l'information qu'on va lui donner qu'il ne pourra pas utiliser. Bon. Peut-être pas sur le coup. C'est ça. Mais dans deux mois, oui, mais c'est ça va lui permettre de comprendre quelque chose. Depuis 1984. C'est justement pour pilonner puis en mettre. Parce qu'il y a des gens qui sont réveillés deux ans après, trois ans après, quatre ans après. Puis il y en a qui se réveillent tout de suite. Il y a des gens ici qui me suivent depuis des années et qui sont totalement endormis. Des gens vicieux. Il y en a ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas en avant. Oui, des gens qui sont là, qui suivent, qui prennent de l'information, et qui n'appliquent absolument rien. Et qui appliquent tellement rien qu'ils vont même aller jusqu'à s'y décider pour travailler contre, appliquer contre. Mais ils suivent toujours. Bon, pourquoi? Parce qu'ils sont totalement, et ça, que ce soit des gens, quand je parle vicieux, ce n'est pas au niveau absolu, je parle du vice astral qui les manipule. Il y a des gens ici qui ont besoin, évidemment, de se faire grouiller un peu. Parce que ces gens-là sont sur le bord de s'en aller, des personnes qui vont mourir dans les années qui suivent. Ce n'est pas des personnes qui vont vivre 10 ans ou 15 ans, ce monde-là, ceux de qui je parle. Par contre, ces individus-là auraient la capacité, comme tu dis, d'appliquer des mécaniques et de changer les choses. Ils vivraient 20, 30, 40 ans encore, mais présentement, ils ne sont pas partis pour. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'auto-éliminer eux-mêmes à cause de ces phénomènes-là ici qui engendrent la culpabilité, tout ce qui peut t'amener à te diriger vers la théologie. Je dis souvent qu'un gouvernement a pour première fonction d'entretenir les conditions sociales qui nécessitent sa présence. Les hiérarchies cosmiques des gouvernements cosmiques. Les hiérarchies cosmiques ont aussi comme première fonction d'entretenir les conditions planétaires qui nécessitent leur présence. Autrement dit, les dieux vont toujours s'arranger pour que tu les pries. Les hiérarchies cosmiques vont toujours s'arranger pour que tu les vénères, pour que tu les adores, pour que tu les remercies, pour que tu les supplies, pour que tu les pries. L'être humain qui vit son ascension, et on est sur deux planètes présentement, à l'instant où je parle, c'est-à-dire qu'à travers ce que tu m'amènes à dire, on est dans deux mondes, c'est-à-dire que tout ce que je dis est totalement faux, est totalement vrai, puis si on dit, tant que ce ne sera pas le temps, ça n'arrivera pas, c'est totalement vrai, c'est totalement faux, c'est réellement deux planètes, là. L'être humain, ce qu'il doit apprendre à faire, c'est à se dissocier complètement des hiérarchies cosmiques, donc à devenir son seul maître. On va élaborer plus là-dessus avec des exemples plus pratiques après, je te fais confiance. Mais ce qui est important de saisir, c'est que l'être humain, tant que l'être humain n'a pas été capable de faire voler en éclats, tant que l'être humain n'a pas la capacité énergétique, bon, retenons ces mots-là, tant que l'être humain n'a pas la capacité énergétique de se centrer dans son intelligence, d'ajuster les énergies, d'ajuster les canaux, tant que l'être humain n'a pas ces deux capacités-là, tant que l'être humain ne les applique pas, tant que l'être humain ne les utilise pas, il reste totalement assujetti aux hiérarchies cosmiques, puis il reste donc assujetti à tout ce que finalement tu n'aimes pas. Là, je pourrais expliquer ce que c'est que ça a dispersé, puis bon, etc., là, mais c'est ça. Okay. Ça, c'est évident, ce que tu dis. Maintenant, le fait de comprendre ce qui se passe, puis comment ça fonctionne, ça pourrait pas aider, ça, justement, l'humain à se centrer, à être dans son identité. Oui, à la condition que... Parce que, oui. À la condition que, si c'est nous deux qui expliquons ça à l'humain, il va pouvoir comprendre. Parce que pour comprendre ce qui arrive, il faut remonter le canal des fusions. Et qu'on a parlé tout à l'heure que l'occultisme remonte, puis que l'ésotérisme remonte, puis que la théologie remonte. Il faut remonter ça pour expliquer aux gens au niveau de l'ego. Autrement dit, ce que tu demandes, toi, c'est s'il y a un moyen de faire en sorte que l'ego devienne l'allié de la conscience. Autrement dit, que l'ego finisse en avoir ras-le-bol, je suis dans mes termes, là, mais quel âge a fait Bebel, là? Il faut instruire l'ego, il faut instruire la mémoire, il faut que je donne de l'information mémorielle. Ça, c'est correct à la condition qu'on puisse remonter le canal avec moi à côté pour parler, pour, à chaque fois qu'on va spiritualiser la remontée, que moi, je puisse démolir toute l'affaire au complet. Parce que sans cela, au fur et à mesure que tu veux expliquer pour aider, tu vas continuer à enfoncer le monde à coups de marteau dans le sol. Tantôt, au début, c'est ce que j'ai voulu exprimer, que j'ai eu, peut-être que je ne l'ai pas exprimé clairement, mais ça rejoint ce que tu viens de dire. moi, je vais aller chercher des points qui ont été amenés ou que je ressens, et puis les muter, ces points-là, les rendre accessibles au taux vibratoire de l'être d'aujourd'hui. Oui. Maintenant, la mutation d'un de ces c'est points-là... C'est toi qui peux le muter, pas moi. Exact. La mutation d'un de ces points-là, on doit comprendre qu'elle se fait comme ceci. Si on remonte, par exemple, 3 étages dans le canal effusionnel, hein, c'est le canal, disons, réincarnationnel, mais qui nous relie à 14 milliards d'années en arrière. Si on remonte, quand on prend un point pour le muter, on ne redescend pas jusqu'où ce qu'on est, puis on remonte en haut. La mutation, là, on l'a fait de suite de là à où elle doit être. Et c'est pourquoi, à un moment donné, tu vas me dire, bon, mettons, comme les chiffres, c'est important. Là, moi, si je transmute ça, je vais te prouver pourquoi les chiffres, on n'a rien à foutre. Mais si on redescend au point central, là, on va expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est dangereux, pourquoi à un moment donné, ils n'en font plus, et puis pourquoi maintenant, on ne doit plus les utiliser, et puis, etc. Sauf que si on parle de muter un facteur, bien nécessairement, c'est extraordinairement bon, c'est un fait, ça ne vaut pas, ça vaut absolument rien, c'est un fait. Ça, il faut que les gens finissent par s'habituer à être capables de vibrer des deux côtés. Alors, comme cela, ils vont faire un peu comme ton tableau, être capable de regarder une colonne, voir ce qu'il y a dedans, puis immédiatement regarder l'autre colonne, voir ce que ça va donner comme correspondance. C'est pas une... On va commencer... On les ramène? Bon, c'est pas nécessaire, là, mais on les ramènera tantôt, je vais te poser une question. C'est vraiment les autos en mémoire. OK. Avant qu'on écrive, on a tous les points. Puis il y en a que j'ai oublié de mes principes. Ça m'en prenait des principaux. On écrirait un autre tantôt. OK. Si je te demande la question suivante, Daniel. Présentement, sur la planète Terre, accessible à l'homme, les choses accessibles à l'homme. Et quand je parle accessible à l'homme, je parle l'homme qui ne va pas dans les terres, l'homme qui va. Même l'homme qui ne va pas dans l'astre. À la masse. Non. L'individu dans la masse. Non, pour nous autres. Les gens qui ont fait ton séminaire, disons, les gens qui vibrent, qui sont d'un taux vibratoire de certains niveaux. Présentement, sur la planète, est-ce que l'énergie perpétuelle existe? L'énergie, c'est intemporel. Donc, c'est nécessairement perpétuel. De l'autre côté, dans le passé, toi, c'est dans le passé que tu vas. Il n'est pas écrit. C'est ça, je n'avais d'autre. L'énergie perpétuelle existe parce que l'énergie, c'est intemporelle. Alors, décris-nous ça, mais pas là-dessus. Mais non, j'attends après toi ici. Ah, OK, on va remplir. Bon. Alors, on commence par le bas. OK. L'individu est marionnetté. Ici? Marionnette, c'est ça. Lorsqu'il hausse de taux, il change de taux, il peut muter en être manipulé, guidé, radio-guidé. Écoute, ça, c'est des termes que j'ai, si tu les aimes pas, là, faut se mettre d'accord sur les termes, en tout cas. Téléguidé. Auto-guidé. Pour être-té. Être-té? Oui. OK. Bon. Marionnetté, ça veut dire qu'il n'y a aucune conscience, c'est un imbécile, il peut faire ce qu'on veut, des affaires qui sont même indécentes du point de vue de l'humain. Manipulé, ça veut dire que là, il commence à être un peu plus résistant, un peu plus solide, on peut être moins indécent, mais c'est évident qu'on charrie, c'est pas marionnetté, mais c'est similaire, un peu mieux. Guidé, là, on vient lui dire qu'il n'est pas manipulé, mais que s'il nous suit, il sort bien fonctionner. Il est toujours manipulé, mais maintenant, il est prêt à connaître le manipulateur. Il ne connaîtra pas la réalité du manipulateur. Sauf que, vu qu'il ne peut rien faire, il ne veut plus suivre, il ne veut plus être manipulé. S'il envoie un guide, il va suivre. C'est aussi manipulé, mais c'est mieux. Radio-guidé, téléguidé veut dire guidé à distance. Radio-guidé veut dire guidé par onde radio. Mais on va laisser faire l'étymologie présentement. On prend l'énergie qui est dans les mots. Radio-guidé, ça pourrait vouloir dire, par exemple, qu'à un moment donné, il va être guidé par une instance qui est près de lui, qui n'est pas trop loin, puis qui, lui, il ne voit pas nécessairement ce qu'il y en est, puis là, il est un peu contacté, il s'en va, puis ça marche bien. Téléguidé, bien, quand il commence à défoncer certaines bulles, bien, ce qu'il va le guider est mauditement plus loin, puis normalement, il n'en a même pas accès. Ce qui fait que là, il pense qu'il arrive à une certaine forme de conscience, Il est toujours radio-guidé, c'est tellement plus loin. Énergétiquement, c'est ce que j'ai senti que tu voulais dire. On pourrait dire téléguidé. Son lumière. Oui. Ben, t'es guidé par le c'est ça. Ben, le son, c'est prêt. Parce que la lumière, elle va plus vite et plus loin. C'est ça. D'accord. Auto-guidé, ben là, il commence à être censé le mettre un peu plus. Minimum, ce qu'il déciderait de faire est ce qu'on lui demande de faire. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas ce qu'on sent à la tête. Il va ouvrir la porte s'ouvre, ben, il sort. Puis l'être T, ben là, il échappe totalement aux constituants planétaires des mécaniques d'ascension ou de diffusion. On va vers l'avant, c'est quoi? T'as pas le choix, j'ai rempli le passé, bon. Maintenant, tu allais pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une énergie perpétuelle sur la planète. Non. Je disais que j'étais d'accord qu'il y en avait une, parce que l'énergie étant éternelle, c'est-à-dire intemporelle, donc nécessairement elle est perpétuelle, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée, dans le contexte actuel. Je pensais que tu voulais nous expliquer pourquoi tantôt. Ah, je comprends. Est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi? Avec le tableau ou sans le tableau? Pourquoi il y a de l'énergie perpétuelle? Ouais. Je peux, ça va être long. Puis, si tu aurais une question pour que okay, bon, démontrer, ce serait intéressant. Okay. On va y aller d'une autre façon. Parce que sans ça, okay. Tu sais pas. Voici. J'avais un ami juif de Toronto, un chic bonhomme, un type excessivement brillant pour le temps dans les affaires, un multimillionnaire, qui réglait tous les problèmes. On allait le chercher. Oui. Ah, il est pauvre aujourd'hui. Non, il est excessivement riche. Mais il faisait partie du peuple de Dieu. Lui. Et puis, c'est le type qui allait chercher de l'information dans l'intemporel pour régler les gros problèmes d'affaires. Et j'ai travaillé très proche avec lui. On passait des soirées à jaser, à parler ensemble, à échanger. Et lui, il me parlait de l'énergie perpétuelle, justement. Que l'être sur la planète qui pourrait découvrir comment fonctionne l'énergie perpétuelle aurait accès à tous les pouvoirs inimaginables, ainsi que richesse, ainsi de suite. Cette semaine, je pensais justement à Maurice, et puis, en parlant, j'ai verbalisé le fait que l'énergie perpétuelle n'existe pas. OK. Elle existe? Elle n'existe pas, et voici pourquoi. OK, pour ça, je t'explique pourquoi elle existe. Ça me prend un petit carré. Dans le passé. Dans le passé et dans le présent. OK. Si on regarde le côté des règnes, là, je ne sais pas ce qu'ils sont les règnes, là, mais... Les règnes, ils sont ici règnes. Alors, la source, etc., okay. Minéral, végétal... Minéral, OK. Alors, l'énergie végétale provient du fait qu'on mange le minéral... qu'on l'assimile, qu'on le digère, qu'on l'élimine, qu'on... ainsi de suite. Mais le végétal est créé à partir des minéraux. C'est ça. L'animal ça est créé à partir des minéraux. Ça crée une énergie. Absolument. Okay. L'animal qui bouffe du végétal bouffe aussi du minéral. Par le végétal. Par le végétal. D'ailleurs, il ne peut pas bouffer du minéral un directement. Un peu de chlorure de sodium, des choses comme ça. Du sel, Certains animaux. L'homme, est-ce qu'il peut, lui? Un peu, mais très peu. Ce n'est pas son alimentation. Il doit absolument passer par le végétal ou par l'animal. OK. Après, on a l'homme qui se nourrit du végétal, du... L'homme se nourrit de l'animal, du végétal, donc de l'animal, c'est ça. Qui mange l'homme? L'astral. L'astral se nourrit. Absolument. On est des alimenteurs du plan astral. C'est ça. De par rapport à... par les émotions. L'astral se nourrit de nos émotions. Lorsque... Ben, je ne dirais pas, je vais poser des questions. Est-ce qu'il y a une autre source de nourriture que l'émotion pour que le plan astral se nourrisse de l'homme? Seulement que l'émotion. Bonne, mauvaise, violente, douce, ça nourrit le plan astral. OK. Mécaniquement parlant. OK, on va continuer. Mécaniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Par quel chakra l'astral se nourrit-il? L'astral se nourrit surtout par le chakra cardiaque. Surtout. Surtout. Okay. Pourquoi? Le frère dessine des corps, des bonhommes, etc. Le long est complexe. On va continuer. Il reviendra peut-être un autre tantôt, si c'est pas nécessaire. Juste le dire, sans ça, oh, c'est parfait, parfait, oui. C'est ça, c'est ça. OK, l'astral se nourrit. Tout ça crée l'énergie que chacun de ces plans-là a besoin pour vivre. Ça ne crée pas d'énergie. Ça fait l'énergie. Ça transforme une énergie d'un type en une énergie d'un autre type. C'est là qu'il y a la nuance. OK. Ça n'a pas créé d'énergie, ça n'a pas du tout d'énergie, ça a transformé l'énergie d'un type en une énergie d'un autre plan vibratoire, d'une autre forme, d'un autre type. Alors, l'énergie perpétuelle va exister à la condition qu'il y ait continuellement transformation du potentiel de l'énergie. Autrement dit, on doit se diriger vers une apothéose, et de là, on se dirige vers une entropie totale qui est un calme parfait d'énergie. Puis dans le calme parfait d'énergie, il en résulte toujours une explosion. Le cycle perpétuel est là. La problématique, c'est que l'humain n'est pas capable de se diriger, d'atteindre l'entropie complète et de se servir de l'entropie complète pour libérer de l'énergie avant qu'elle se libère elle-même. Dans un contexte entropique complet, il y a à un moment donné une explosion massive de toute l'énergie qui a été stockée là-dedans. Et là, on repart dans une forme de création, soit d'univers, soit de soleil ou ces choses-là. OK. Si on... Dans la vie planétaire actuellement, l'énergie perpétuelle va exister uniquement si l'humain fait partie de la chaîne. Autrement dit, tu as un appareil qui fabrique de l'électricité, et l'électricité qui est fabriquée sert à nourrir un moteur, qui fait tourner une dynamo, qui fabrique de l'électricité, qui sert à nourrir le même moteur, et là, normalement, après l'avoir lancé, tu aurais de l'énergie perpétuelle. La problématique dans le contexte planétaire, c'est que la friction de tous les éléments, puis la friction des électrons dans le fil, etc., crée une résistance qui fait en sorte que si tu fournis 10 volts, mais il t'en faudra 15 pour fournir le moteur, pour fournir 10 volts. Donc, tu ne peux pas, il faudra que tu rajoutes quelque chose. Si l'être humain fait partie de la chaîne à un moment donné, autrement dit que l'humain fait partie d'un des morceaux de cette mécanique à faire de l'électricité, il n'y aura plus de problème. Évidemment, quand on va être rendu là, on ne fabriquera pas une machine à faire de l'électricité. L'humain, lui-même, va être une source d'énergie perpétuelle. Alors, ça va éclairer là où il va être. Il n'y aura pas besoin d'avoir d'électricité. C'est des lumières. Là, tu fais référence à une fusion totale et complète de l'humanité. Oui, de ce fait, l'énergie perpétuelle existe, mais comme ton bonhomme en parlait, non. Non, OK. Elle n'est pas utilisable, elle n'est pas créable, elle n'est pas utilisable. Elle est en potentiel. OK. Alors, l'astral se nourrit de l'âme par les chakras, principalement le chakra du cœur. Le plan... OK, on va regarder l'astral. La base astrale a-t-elle des préférences au niveau des chakras? Est-ce qu'il y a une différence entre la base astrale et la hausse astrale pour les chakras? L'astral se nourrit par le chakra cardiaque, le chakra du cœur. Sauf que pour parvenir à alimenter le chakra du cœur d'une façon à ce que celui-ci émette une radiation, un rayonnement qui va nourrir le plan astral, là, il y a différents principes. Donc, dans certains vecteurs, dans certains corps physiques et dans certaines structures astrales, parce que dans l'astral, il y a des égrégores qui se nourrissent de différentes choses, ça reste par le chakra cardiaque. Mais dans certains cas, ça va être par le chakra pas coronal, mais disons par le troisième œil, par le chakra frontal, ou qui va être relié souvent au plan de l'intellect, où on va dynamiser des choses pour pouvoir engendrer une circulation énergétique au niveau du chakra cardiaque qui va nourrir le plan astral. Dans d'autres chakras, ça va être, dans d'autres mécaniques astrales plutôt, ça va être au niveau du Mooladhara, le chakra sexuel par excellence, ou d'autres chakras qui sont reliés au niveau des organes sexuels, puis on peut aller en montant. L'astral ne se nourrit pas du chakra du Mooladhara, du chakra sexuel, mais l'astral va se nourrir de la dynamique énergétique qui est engendrée dans le corps physique et par le biais du chakra cardiaque, là, il va pouvoir s'en nourrir. Ça reste uniquement émotif, cela va de soi, ça ne nourrit pas l'astral sans cela. Ça nourrit la cacha mentale, qui est du mental astral, ça nourrit la cacha de l'expérience qui se passe, mais ça ne fait rien d'autre au niveau de l'astral. Donc, au niveau des différents chakras, il peut y en avoir 2, 3, 4, même les 7, rarement, mais même les 7 peuvent être mobilisés par des mécaniques soit arnaqueuses ou des mécaniques astrales, de façon à nourrir le plan astral. OK. Je peux-tu aller dans l'avenir juste un petit peu? si t'en souffres pas trop. Un chapeau de sorcière. OK. Je pense, ici, ce qu'on regarde en bas, le sac, c'est l'astral. Le chapeau, c'est le mental de l'astral. Le mental, là où se tiennent les armes d'accord. Et plus haut, mais c'est l'éther. Oui. Bon. Serais-tu juste... Oui. Que je redessine où se tiennent les armes d'accord? Non, les armes d'accord, je ne veux pas tout de suite. Le mental, là? Oui, OK. Je connecte. OK. Bon, je prends... En bas de l'éther, là. Faut pas que tu ailles plus haut que l'éther. OK, je vais l'écrire en bas ici. Je vais le dessiner en bas ici. Alors, on peut considérer que ton plan astral, il y a le plan mental, qui serait lié au plan astral, hein, c'est la même chose que ça ici, et ça s'en va jusqu'au plan de l'éther. Alors, on le dépose là. Les armes d'accord, c'est exactement comme s'ils avaient des canaux reliés aux ajusteurs de l'humain. Ils viennent, pendant que l'information supramentale descend là-dedans, évidemment, même si tu n'es pas en contact, l'arme d'accord, dépendamment de ton ajusteur de pensée, il peut être juste dans le plan moronciel, il peut être relié à un arme d'accord ou deux. Puis même dans le plan astral, il peut être relié. Puis le canal réincarnationnel du monde astral, qui lui va dans le plan astral, peut facilement lui aussi être relié à des mécaniques arnaqueuses, parce que c'est dans l'astral que là, l'arnaque va se faire pour venir planter l'humain au niveau du plan astral. Au niveau du plan mental, donc au niveau de la conscience, l'ajusteur de pensée progressivement va se lier au plan astral, au plan mental. Les arnaqueurs, eux, leur intelligence pénètre par le biais de l'ajusteur de pensée pour venir te manipuler. C'est comme ça que l'être humain est à peu près sûr. Si tu un jour tu es capable, toi, de savoir que ça, c'est le canal réincarnationnel, donc je ne peux pas lui faire confiance, que ça, c'est mon ajusteur de pensée, donc c'est relié au plan supramental, je peux y faire confiance, mais si dans l'ajusteur de pensée, près du contexte planétaire, donc en bas de l'éther, il y a des mécaniques qui sont reliées et qui t'amènent de l'information, présentement, ton intuition n'est pas suffisamment développée pour connaître la saveur de ta source, mais ton intuition est suffisamment développée pour savoir que ça vient de ce canal-là. Alors, quand ça vient du canal ajusteur de pensée, on pense que c'est parfait. Alors que si tu es dans le cœur de connecter là-dessus, tout ce qui va rentrer par là, tu vas dire, oui, mais c'est la saveur de ma source. Parce que c'est la saveur du canal bleu. Sauf que ce n'est pas la source pure, parce que tu ne discernes pas dans ton canal ce qui arrive par ton canal. C'est de l'intelligence, c'est supramental, puis c'est pas ta source. Ça arrive en même temps que ta source par le même canal. Ce serait de la gasoline qui alimenterait. Exactement. Toi, ta source, c'est ça. Tu dis, par là, c'est de l'essence. Mais si quelqu'un s'est connecté ailleurs un peu avant ça, puis il rajoute de l'eau ou d'autres bobelles, tu vas dire, crime, ben, mon essence n'est pas bonne. Ou de l'essence à octave plus forte. Etc. Mais là, tu vas commencer à chialer, tu vas avoir des problèmes. Mais tu vas dire, pourtant, c'est de l'essence. Crime, ça vient de mon réservoir. Oui, mais sur ta ligne, tu as d'autres choses à connecter. Les armes d'accord, ces branches-là, quand l'humain commence à se connecter, sans ça, ils sont sans uniquement dans l'astral, puis par le biais de l'astral, ils viennent te changer. Tout ça se fait par le taux vibratoire de l'homme. Oui, La multidimensionnalité comprenant le corps physique et sept corps qu'on a parlé. Si on regarde seulement que le plan astral, est-ce qu'on pourrait dire que les humains de taux vibratoire très, très bas sont ceux qui sont marionnettés? On utilise seulement ce plan-là. L'astral. Ou presque. Il y aurait peut-être... Oui, non, ceux qui sont marionnettés par le plan astral dans le biais du canal réincarnationnel. Ah oui, OK. Uniquement. Ceux qui sont manipulés uniquement par le plan astral par le biais du canal réincarnationnel, mais leur ajusteur de pensée est connecté sur le canal réincarnationnel. Fait qu'il est coloré. Donc, même s'il y a un peu d'intellect, l'intellect prend sa source sur le canal réincarnationnel, donc ça ne va rien changer pour l'humain. Quoi qu'il va avoir un peu moins d'émotivité dans son raisonnement, mais le canal, l'ajusteur de pensée est connecté au canal réincarnationnel. Quand l'humain commence à être guidé, c'est encore connecté au canal réincarnationnel, sauf que, étant donné que l'humain commence à vivre des mécaniques qui vont faire en sorte progressivement de détacher le canal ajusteur de pensée, parce que je vais dessiner ici pour toi et pour ceux qui peut-être ne suivent pas, on a l'âme, on a le canal réincarnationnel qui est ici, qui descend, on a l'âme qui est comme ceci ici, et on a l'ajusteur de pensée qui, lui, est à cette étape-là relié au canal réincarnationnel. Puis quand l'être humain commence par l'écœurement à toucher un peu à la fusion, à la conscientisation pour être plus juste, ça se détache, ça va se promener un peu dans le plan moronciel. l'humain peut vivre des formes de dépression à travers son évolution, parce qu'il n'y a plus de motivation, puis il veut couper les religions. Parce qu'il y a maintenant, au lieu d'avoir accès à la même information deux fois de fil, il manque un peu de tonus. Progressivement, ça rentre dans le plan astral. Ça va y aller de l'information astralisée, mais ça va rechercher un égrégore supramental dans le plan astral, comme celui que moi j'ai installé, ou que d'autres qui parlent ou qui ont parlé supramentalement ont installé. Puis lentement, ça veut traverser le plan astral pour gagner le plan supramental. C'est l'ajusteur de pensée. Et dans le plan supramental, ça peut se connecter à des arnaqueurs. OK. Donc, au niveau du guide, pas encore. Il y a marionnetté, manipulé. Guidé. Radio-guidé, téléguidé. Après guidé, c'est radio-guidé, puis pour ça, c'est téléguidé. Pour ça, c'est lettre T. Écoute, c'est moi qui t'avais dit qu'il n'avait pas écrit. Je pense pas. T'as une maudite bonne mémoire, en tout cas. Bon. OK. Là, on revient à ça. Notre astral n'a pas besoin d'intelligence, d'un haut niveau d'aide au-dessus de son être-té pour manipuler. Non, elle est manipulée, mais elle n'a pas besoin parce qu'elle est avec un groupe là, d'humains, d'individus qui ont un taux vibratoire qui est bon. Oui. Là, il marionnette l'humain, mais l'humain qui se fait marionnetter, à un moment donné, il fait une crise, il souffre de ce marionnettage-là. Bon, donc d'où l'importance de l'écœurement et l'importance de la colère. Oui. Là, je te parle... Moi, j'en profite. Oui. Mais il ne peut pas faire une colère à ce niveau-là. Non, là. Il fait une pique. Parce que là, moi, quand je te décris ça, je vois un groupe là, de tavernes. Je n'ai rien contre les tavernes. Là. C'est de gens là, qui, de ce niveau-là. Là. L'évolution chez eux, la même chose. Alors là, à un moment donné, il y a une souffrance qui est créée chez l'individu qui est marionnetté. Et puis, cette souffrance-là, si on dirait qu'elle créerait un champ électromagnétique qui déclencherait dans le cerveau de l'homme un niveau de réceptivité plus élevé, ce qui augmenterait le taux vibratoire. Est-ce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi l'écœurement et la colère. La colère, on peut mettre l'intensité que tu veux, mais c'est les éléments qui, tant que l'être humain se relie à l'effusion, est essentiel. Quand l'être humain se dissocie de l'effusion, c'est pas la colère astrale, c'est la colère mentale que l'humain doit commencer à contrôler. Puis quand l'humain commence à être de plus en plus expressif de sa centricité à l'intérieur de lui-même, là, c'est plus une colère ni mentale ni astrale, mais c'est le fait de placer les énergies. Placer les énergies pour l'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, placer les énergies, si on dessine le mot, ça veut simplement dire prendre les canaux énergétiques des individus, des événements, des bâtisses, des nations, des compagnies. Prendre les canaux. Les gens vont faire l'astrologie, la numérologie de la bourse, par exemple, ou de Dow Jones. Il y a des canaux attachés à ça, il y a des canaux. Et placer les énergies, ça veut dire prendre un canal qui n'a pas d'affaires là, puis brancher où c'est qu'il doit aller. L'être suffisamment nouveau doit apprendre à se centrer sur lui, donc à cesser d'être et d'exprimer ce qu'il n'est plus en tant qu'absolu, en tant que réalité, mais il l'est encore du point de vue de l'expression planétaire. Mais l'être doit se dissocier jusque dans le comportement, d'où le fait qu'il doit prendre son corps et bouger quand c'est le temps. Et ça, je le dis, on va y revenir à une conférence régulière, mais je vais l'aborder là pour commencer, parce que c'est ce qui va être le mieux pour moi, sur les mécaniques de pourquoi on manque de volonté. L'être humain, en se centrant sur lui-même, va commencer à cesser d'être dépendant de la rationalisation de tous ses contextes de conscience en fonction des événements qu'on l'a obligé à faire. Lorsque l'être humain en est là, l'être humain va commencer à placer les énergies. Placer les énergies, ça veut simplement dire, j'ai un arnaqueur, le connecté là, il déconnecte. Je le branche sur lui-même, je le branche ailleurs, je saurai où l'envoyer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un individu qui est mal équilibré énergétiquement, puis il vient me rencontrer. Mais ça veut dire que je saurai comment le débrancher de ce que j'ai pas besoin ou de ce qui n'a pas besoin de lui, puis je saurai quoi brancher, puis ramener l'affaire qui est perdue, puis le mettre à sa place. De ce fait, non seulement on pourra rebrancher, placer les énergies au niveau de la conscience supramentale, mentale, on pourra le faire au niveau astral, on pourra le faire au niveau du plan vital et esthétique, donc on pourra à un moment donné pardonner un individu qui est malade, puis débrancher les maudits canaux qui sont après lui, qui le drainent puis qui lui amènent du poison, puis brancher les canaux qu'il a besoin, les canaux que l'être humain avait au départ, donc lorsqu'il avait un cœur en santé. Quand que l'être humain ne fait pas ça, donc si on parle au niveau du marionnettage, bien nécessairement l'être humain, lui, doit en arriver à l'écœurement, puis de l'écœurement, de piquer une crise, pas une colère, ça. Il va être comme en colère, là, mais il n'y a pas de conscience. Il pique une crise, en crise. Justement, je reviens à l'homme, pas des cavernes, mais des tavernes, là, au niveau vibratoire. Quand il souffre, okay, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est dans l'âme que la souffrance crée, élève le taux, crée ce champ électromagnétique? Comment ce champ électromagnétique chez l'individu de ce niveau-là, là, est-il mis en action? Bon, quand l'être humain souffre, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que quand l'être humain est en phase de souffrance aiguë, la majorité des mécaniques de internes à l'ego de l'homme, qui se nourrissent de l'expérience de l'homme, sont à saturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que énergétiquement, chaque partie qui normalement se nourrit d'un événement, de ta souffrance, de ta maladie, des autres, etc., ces parties-là sont subitement totalement saturées, c'est-à-dire qu'ils sont tous trop nourris. Et ça engendre une forme d'indigestion au niveau de l'astral. La saturation de ton ego engendre une crise à l'interne, à l'intérieur de l'ego, parce que tout ce qui ne peut pas venir nourrir la partie de peur parce que c'est plein, devra nourrir la partie, une autre partie de l'ego, la partie de crainte, la partie de joie, et ça va créer une crise complète à l'intérieur de l'ego. Cette crise-là engendre un mouvement de l'ego, c'est-à-dire que l'ego se met à tourner à une vitesse folle, l'ego entre dans une phase orbitale extrêmement rapide, et la phase orbitale extrêmement rapide, elle sert uniquement à dégager l'énergie qu'il y a de trop, la saturation, et à la projeter au niveau de l'enveloppe du périsprit de l'âme. En la projetant, l'ego va arriver à un résultat intéressant pour lui, c'est qu'il va se départir de l'excès d'énergie, donc sa crise va le calmer, ça va l'arranger. Maintenant, l'énergie qui va être rejetée par l'orbite très rapide de l'ego sur lui-même, l'énergie qui va être rejetée par la force centrifuge, va venir s'imprimer au niveau de l'enveloppe de l'âme, qui est le périsprit. Le périsprit, on sait que le périsprit, c'est de l'énergie vitale qui permet la communication de l'âme et du corps. Maintenant, dans le périsprit, il y a aussi la partie mentale de l'âme. Au niveau du périsprit, on a des mécaniques qui sont séraphiques. Le corps séraphique, un séraphin sur un périsprit, c'est une partie périspritique qui permet le contact entre l'ego, donc entre l'âme, et le plan mental. Mais il y a aussi des parties chérubiniques, des chérubins, dont un yin, dont un yang, c'est-à-dire que ce sont des interpréteurs actionnels qui permettent à l'ego de s'exprimer à travers le corps vital dans le corps physique. Quand l'ego se met à tourner rapidement, il engendre donc un rejet d'énergie. Le rejet d'énergie peut, lui, soit être absorbé par les interpréteurs chérubiniques, donc ça va engendrer des pathologies dans le corps physique, ou ça va engendrer un excès d'activité, d'où l'idée de piquer une crise. Il devient fou, là, il casse tout, c'est pas ça, il est correct, il est vidé. Ou bien, ça va engendrer dans le plan mental, une énergie, ça peut faire les deux en même temps, ça va engendrer dans le plan mental un excès d'implant à l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie rejetée par l'ego qui est en orbite, va nourrir trop puissamment le plan mental de cette énergie-là. Et c'est une énergie qui n'est pas codée, donc c'est une énergie qui n'est pas émotivisée. Le plan mental, la recevant, ne sait pas quoi faire avec ça, mais tout ce qu'il va faire avec le plan mental, c'est qu'il va voir son taux vibratoire monter à travers la centricité de l'ego. Voyant son taux vibratoire monter, automatiquement, il se branche à d'autres choses et ça amène de l'information qui peut arrêter l'ego, donc qui peut centrer l'ego. Et ça, c'est une prise de conscience. Nécessairement du marionnettage, il va passer à la manipulation, de là il peut passer au phénomène du guide, de là il peut passer au phénomène du radioguidage, etc. OK. C'est ça, tu poses des questions comme ça? Ça. Oui, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, c'est juste de déformuler comme il faut. l'électromagnétisme qui se produit, ça se produit dans la cellule, elle se reflète dans la cellule du corps physique. Est-ce qu'elle se produit au niveau du corps physique? Oui. Est-ce qu'elle est générée dans l'âme en premier? Oui, l'âme, elle envoie de l'énergie. L'énergie, okay. Qu'elle va faire, c'est par le biais du chérubin, donc du périsprit, qui est constitué de l'énergie intra-atomique des atomes du corps physique. Ça va activer, énerver, agiter les particules intra-atomiques, donc agiter les particules atomiques. Et nécessairement, ça va créer au niveau du corps physique au complet différentes mécaniques, des pathologies à de l'électromagnétisme mesurable à partir d'un appareil. OK. Puis, ça déclenche l'électromagnétisme qui monte, ouvre une soupape qui permet au mental de propulser le taux vibratoire un peu. Bon. À ce moment-là, lorsque ça arrive, disons, on le comprendra un exemple, peut-être ce serait plus facile si, par exemple, une petite fille de 17 ans là, qui est bien, bien correcte, puis elle a un chum, puis elle est en amour avec, puis elle est fair avec, tout est numéro un. Tout à coup, elle arrive, puis elle le prend avec une autre fille. Elle vit une souffrance. L'astral n'a pas eu besoin de... C'est-à-dire, on n'a pas eu besoin d'avoir un arnaque, puis tout ça, là, c'est une chose simple. Ça peut être une arnaque aussi. Mais son arnaque fait surtout... À un niveau... On lui a appris... Puis on l'a investi de l'idée que quand tu es en amour, tu possèdes l'autre qui est uniquement à toi, puis on l'a investi un paquet de choses. C'est ça. Bon. Il n'y a rien là. Non, mais tout ce que je veux faire, Daniel, je veux le partir du début, puis je ne veux pas laisser d'espace nulle part. On va le monter. La deuxième partie, on ne laissera pas.